Très belle suite d'après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, histoire du néolibéralisme. On aurait pu penser que la peur allait donc gagner, puisque à la peur du chômage s'ajoutait la peur liée à la crise environnementale. Sciences sociales au travail. Il ne suffit pas de se réunir pendant 3 ou 4 jours à Davos pour changer le monde. Quelques éléments de philosophie politique. Alors que nous allons quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni continuera d'être un défenseur mondial du libre-échange. Je ne sais pas comment ils font pour dormir la nuit. La situation n'est pas normale. Ils sont dans leur bulle entre personnes qui ont toujours eu le pouvoir. C'est le triomphe de la pensée unique. Je suis ici pour réaffirmer l'amitié et le partenariat de l'Amérique dans l'édification d'un monde meilleur. Nouvelle journée en compagnie de Barbara Stiegler, qu'on remercie fortement, grandement, chaudement, amicalement d'être parmi nous cette semaine pour nous donner quelques clés de lecture et de compréhension grâce à son nouvel ouvrage « Il faut s'adapter », ouvrage titré avec des guillemets, paru chez Gallimard. Vous trouverez toutes les références sur le site d'Histoire vivante, ceci dans la perspective du prochain documentaire dont on vient dire un mot avec Barbara Stiegler. En guise d'ouverture de ce nouvel entretien, documentaire qui est visible depuis le début de la semaine sur le site des docs de la RTS et qui est consacré au Forum économique de Davos. En envoyant le titre, le contenu, même si je n'ai pas encore pu voir le documentaire jusqu'au bout, Barbara Stiegler, et à la lecture de vos lignes, des lignes de votre dernier ouvrage, je me suis dit que, a priori, l'objet, le documentaire en question, ne pouvait que vous intéresser. Est-ce que vous pourriez peut-être en quelques mots présenter ce documentaire à ceux qui vont le découvrir prochainement ? Peut-être au passage d'ailleurs le recommanderez-vous si vous l'avez jugé intéressant. Et puis peut-être y apporter précisément, eu égard à vos derniers travaux, votre expertise, on n'ose plus prononcer le mot maintenant, avec tous les entretiens qu'on a eu dernièrement, enfin appelons ça encore comme ça, avant de trouver un mot plus adapté. Adapté ? Oh, décidément, c'est piégé de partout. Alors, je ne vais pas pouvoir vous présenter sérieusement ce documentaire. Par contre, je vais vous dire, je l'ai vu effectivement, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Je l'ai tout à fait vibré en le regardant, j'ai trouvé ça absolument passionnant. En plus, j'étais, alors pour le coup, absolument ignorante de beaucoup de choses concernant Davos, que par ailleurs plein de gens savent, que moi je ne savais pas, et que je ne sais toujours pas d'ailleurs. Donc Davos est en Suisse, ça vous a dit déjà un peu. Oui, ça je sais, et l'importance de ce forum, bon, ça je sais vaguement, mais j'en sais pas plus, mais c'est pas le problème. Qu'est-ce qui m'a intéressée ? Pourquoi ça m'a tant intéressée ? Et pourquoi j'ai trouvé très judicieux de me demander de le regarder dans la perspective de ce livre ? Je dirais les deux choses qui m'ont vraiment intéressée. Ce qui est spectaculaire dans ce documentaire, mais vraiment spectaculaire, c'est le contraste entre la première année, ambiance de l'année de l'arrivée de où Trump et Macron sont présents à Davos, etc. Et là, l'année d'après. Mais c'est absolument saisissant. La première année qui est filmée par le documentaire, tous ces gens sont très très contents. Bon, alors ils sont effectivement, s'ils sont un tout petit peu de bonne foi, en fait extrêmement inquiets. Comme ce fameux monsieur, dont j'ai oublié le nom, qui est l'artisan de Davos, j'aurais dû le noter. Klaus Schwab. Voilà, si j'étais une bonne élève, j'aurais noté le nom. Créateur en 1971, en ayant lu le défi américain de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est ce qui lui a donné l'idée. D'accord. Alors, par ailleurs, disons-le au passage, extrêmement influencé par le néolibéralisme, au sens strict, l'ordolibéralisme, l'idée qu'il faut construire un cadre du marché, un vrai cadre, qui, avec des règles du jeu, avec notamment parmi les règles du jeu, le respect de l'environnement, parce que si tous les prédateurs capitalistes peuvent tout piller et faire n'importe quoi, le capitalisme n'en aura pas pour longtemps. Donc si on veut que le capitalisme dure, parce qu'au fond c'est ça l'idée, il faut qu'il accepte une régulation, mais une régulation très très sérieuse. C'est pas le Far West. Non, c'est pas le Far West ni la loi de la jungle, et ça va très très loin. Hein. On peut être condamné très lourdement si on ne suit pas les règles du jeu, des marchés publics, de la compétition, de je ne sais pas quoi, de toutes les lois contre les monopoles, etc. Bon, bref. Donc, Ce forum de Davos, son inspiration, elle est dans la droite ligne du néolibéralisme. Alors bien sûr, l'histoire de Davos que je ne connais pas, j'imagine, est bourrée de toutes les contradictions du capitalisme contemporain, qui est à la fois néolibéral, ultra-libéral, libertarien, social-démocrate, et tout ce que vous voulez. Donc toutes ces contradictions pataugent certainement joyeusement dans chaque année à Davos, mais on patauge là-dedans, je veux dire, évidemment depuis des années, comme partout, parce que tout s'hybride partout, tout se mélange, le réel est mélangé, il n'est jamais comme ça à l'état pur. Et l'année suivante ? Alors, la première année, donc, pas de Davos, mais présentée par le documentaire, tout ce petit monde est en fait profondément inquiet, mais continue à avaler ses petits fours, à rigoler, etc., et tout va bien, et voilà, on est très content. Alors Trump, on va arriver à le mettre sous contrôle. Y a Macron qui arrive, donc c'est formidable. Avec Macron, ça va être formidable. On va arriver à le maîtriser, etc. Monsieur le Président, après l'accueil chaleureux qui vous a été fait hier ici à Davos, j'ai le grand plaisir de vous inviter sur scène. Le Président des États-Unis, Donald J. Trump. Je suis conscient que votre leadership résolu suscite bien des malentendus. Il est donc essentiel que nous tous dans cette salle, nous vous écoutions directement. Veuillez accueillir sur scène le 45e président des États-Unis, Donald J. Trump. Merci beaucoup, Klaus. C'est un privilège d'être présent à ce forum qui accueille des leaders du monde des affaires, des sciences, de l'art, de la diplomatie et des affaires mondiales depuis de nombreuses années pour discuter de la façon dont nous pouvons faire progresser la prospérité, la sécurité et la paix. Je suis ici pour réaffirmer l'amitié et le partenariat de l'Amérique dans l'édification d'un monde meilleur, comme toutes les nations représentées dans ce grand forum. C'est le moment idéal pour faire venir votre entreprise, vos emplois et vos investissements aux États-Unis. Voilà. Et deuxième année, année suivante, Macron ne vient pas, Trump non plus. Et surtout, il s'est passé quelque chose de considérable dans le monde entier. C'est-à-dire qu'une révolte absolument considérable s'est levée un peu partout. Alors, ça fait des années qu'elle est là. Mais là, ça prend des proportions mais complètement incroyables. C'est-à-dire que, par exemple, le fameux héros potentiel de ce Davos première année est assiégé dans son palais présidentiel à l'Élysée par le fameux mouvement des Gilets jaunes. Le Brexit est une pure catastrophe. Enfin, plus rien ne tient. Et je crois que le phénomène, et ce que tout le monde très très bien sous le documentaire, je ne crois pas que ce soit un biais, je crois que c'est assez fidèle à la réalité, c'est que s'ajoute à tout ce contexte extrêmement angoissant pour les dirigeants, pour les leaders et les experts réunis à Davos, parce que c'est de ça dont il s'agit, s'ajoute la révolte de la jeunesse. Et sur quel motif ? Le motif que vous, les adultes, néolibéraux, ultralibéraux, tout ça, sociaux-démocrates, tout ça, et vous, les adultes qui êtes aux commandes depuis 50 ans, vous nous menez à une catastrophe. Vous êtes parfaitement irresponsables. Donc nous avons 12 ans, 13 ans, 14 ans, et nous devons nous révolter. Voilà ce qui se passe. On voit Klaus Schwab véritablement, profondément inquiet du phénomène Greta Thunberg, réellement, c'est-à-dire que ce n'est pas une posture. On voit que les gens se défont, se décompose, là, l'inquiétude n'est plus jugulée. On assiste devant nos yeux à une crise absolument retentissante, non seulement du capitalisme mondial, mais aussi l'utopie néolibérale qui s'effondre là sous nos yeux. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, parce que ça peut durer très, très, très, très, très, très longtemps encore. Hein ? Ça ne veut pas dire donc que les analyses de mon livre sont déjà obsolète. Hein. À un moment, je l'ai cru souvent quand je faisais ce travail, je me disais, peut-être que je travaille sur quelque chose qui est déjà complètement obsolète, la vie est courte, à quoi bon ? Et puis, voilà, des gens comme Emmanuel Macron arrivent au pouvoir, tout ceci, le programme d'Hillary Clinton, un programme parfaitement néolibéral, tout ceci est en fait parfaitement toujours là et dominant. Donc, ça peut durer encore très longtemps, mais on sent que, effectivement, cette pensée dominante, extrêmement hégémonique, est blessée vraiment en son cœur par la, la, la crise environnementale et la question qui est corrélée des inégalités. Bienvenue au camp de base de l'Arctique. En tant que scientifique qui cherche à trouver des solutions, je suis ravie que Greta et son père Svante campent avec nous ce soir. Greta vient d'arriver à Davos aujourd'hui et va nous dire quelques mots d'introduction. Pourquoi es-tu venue au Forum économique mondial ? Je me suis dit que c'est le genre d'événement qu'on ne veut pas manquer. C'est l'une des plus grandes réunions au monde. C'est l'occasion de changer les choses. Je ne sais pas. C'est magnifique. Et Greta, qu'est-ce que tu voudrais changer ? Tout. Ça mérite bien des applaudissements. Certaines personnes, certaines entreprises et en particulier certains décideurs ont toujours su quelles richesses inestimables ils sacrifiaient pour continuer à gagner des sommes inimaginables. Je veux lancer un défi à ces entreprises et à ces décideurs. Je ne crois pas une seule seconde que vous le relèverez, mais je ne demande qu'à avoir tort. Pouvez-vous vous engager à nous rejoindre et à faire tout ce qui est en votre pouvoir ? On peut dire d'une certaine manière que ce que Davos confirme, c'est au fond une longue histoire dans laquelle, et ça passe notamment aussi par le colloque Lippmann, cette pensée-là va, dans sa diversité, se nourrir, mais construire d'abord et avant tout un projet qui n'est pas seulement, vous le rappeliez en début d'entretien, un projet strictement économique, mais un projet très profondément philosophique, culturel, ce qui permet de comprendre qu'on ne peut pas le traiter de haut et de manière politiquement méprisante, mais bien prendre en compte qu'il y a effectivement des lunettes qui regardent l'espèce humaine, sa place sur la planète et dans le monde, et qui l'estiment et le jugent de cette manière-là. Faites-nous le lien entre ce documentaire et puis votre ouvrage. Quand on regarde cette figure de ce monsieur Schwab, oui, on voit bien cette idée, les bonnes intentions, vraiment, la bonne société. On est vraiment là-dedans. L'idée, c'est que ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre sous contrôle des tendances prédatrices du capitalisme mondial, en essayant d'en faire entendre raison. C'est ça l'intérêt de son entreprise. C'est ça qu'il veut faire. Donc l'idée, c'est de maintenir le système capitaliste en lui faisant comprendre qu'il ne se maintiendra que s'il comprend qu'il y a des règles du jeu. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est cette utopie-là que porte, par exemple, ce projet de Davos. Et c'est cette utopie-là qui se fracasse devant la crise écologique. Pourquoi ? Parce que la crise écologique, ce qu'elle dit, c'est que ce modèle d'une économie mondialisée, ça suppose une explosion de la mobilité, une explosion des échanges. C'est absolument incompatible avec les exigences d'une vision écologique du monde. Une vision écologique du monde suppose qu'on revienne à l'idée que la vie a besoin d'un environnement relativement local, relativement proche, relativement clos, etc. etc. Donc, à partir de là, le modèle proposé d'une accélération exponentielle des rythmes, d'une explosion des mobilités, eh bien, ce modèle-là se met à être rejeté partout dans le monde. Les gens n'y croient plus, n'ont plus confiance. Pendant des années, ils ont accepté l'idée de donner leur consentement et ils ont délégué leur pouvoir à des experts et des leaders qu'ils estimaient, a priori, plutôt responsables et outillés. Et puis, ce que nous dit la nouvelle génération, et c'est aussi pour ça que mes étudiants ont changé, Ce que nous disiez en début de semaine. Ce que nous dit la nouvelle génération, c'est qu'en réalité, l'utopie qui a été proposée, parce qu'en fait, le néolibéralisme, c'est un grand récit sur l'avenir, sur le futur, sur la révolution, sur la direction de l'histoire, elle s'effondre, elle se fracasse, de manière aussi violente que le marxisme révolutionnaire s'est fracassé. C'est tout aussi violent. C'est vraiment comme quand on a une espèce de fonte des glaces, vous voyez, avec tout se fracasse sur le passage. Donc c'est un phénomène extrêmement angoissant, mais en même temps parfaitement nécessaire, parce qu'il faut sortir de des effets catastrophiques de cette utopie néolibérale, de cette utopie révolutionnaire néolibérale. Parce qu'en fait, ils ont un discours tout autant eschatologique, c'est-à-dire un discours du salut final par la fin de l'histoire, que celui des marxistes révolutionnaires en leur temps. Donc il faut absolument sortir de là. Et aujourd'hui, ça se passe parce que Dewey appelle le fait d'éprouver des problèmes. Le fait d'éprouver des problèmes concrets, vivants. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi se heurte ce modèle, c'est à des publics qui sont en train de s'identifier, de se constituer et de s'armer pour dire qu'ils souffrent de problèmes qu'ils entendent absolument résoudre. Et donc, les publics qui partout s'identifient dans le monde sont en train de se mobiliser, disons le mot. Parce que moi, quand j'entends les chroniqueurs à nous raconter à longueur de temps, mais là ils se sont un petit peu calmés depuis un an, mais nous raconter que la population est apathique, les gens ne s'intéressent pas à la politique, les jeunes s'en fichent, chacun est atomisé, vous savez ce que les jeunes ils veulent, c'est leur travail, consommer, avoir une famille, un logement. Mais ça c'est un conte pour enfants qu'on nous raconte. En réalité c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Ça, c'était vrai dans les années 80 et 90, je pense, relativement vrai, mais c'est fini ça. Là, aujourd'hui, on a affaire à des processus partout de constitution de public qui, effectivement, s'identifient grâce à toutes sortes de moyens de communication, qui essaient de s'organiser. Évidemment, même pour le terrorisme. Bien sûr, mais alors, ça comprend tout. C'est pas ce que Dewey appellerait la constitution d'un public. Il faut être rigoureux sur qu'est-ce que c'est que la constitution d'un public. La constitution d'un public, pour Dewey, c'est des gens qui identifient qu'ils ont un problème commun et qui mettent en place par le travail de l'intelligence collective, et donc le lien entre l'affect et l'action et la rétroaction de cette action sur l'affect, tout ce que je décrivais précédemment, qui mettent en œuvre des solutions sur le mode expérimental, avec toute la modestie que ça implique, etc., etc. Et qui arrivent à mettre, donc, à leur service, des agents qui doivent mettre en place la loi, les règles, une administration, des fonctionnaires, une expertise, etc. Ça, c'est une société démocratique. Voilà. C'est ce genre de processus qui essaie de se mettre en place aujourd'hui. C'est effectivement extrêmement pourvoyeur d'espoir, mais au même moment, ce qui est terrifiant, c'est que tous ces processus sont fragiles, extrêmement vulnérables. Il faut les soutenir, ces processus. Dewey sait très bien que ça ne marche pas tout seul, spontanément. Il faut l'artifice de la politique pour que ça marche, précisément. Sinon, le public, qui est très fragile, qui essaie d'émerger comme ça à chaque fois, il échoue, sinon. Et donc, au moment où on voit tous ces publics essayer de se constituer, on les voit se faire broyer par les forces politiques dominantes. C'est ça qui est terrible. À la fois, on peut en tirer comme conséquence que ces publics sont trop fragiles, et en même temps, on peut avoir une autre lecture, c'est-à-dire que, oui, ils sont très fragiles, mais ils ont aussi une certaine force, puisqu'ils commencent à faire peur. Barbara Stiegler, je ne vous en ai pas prévenu puisque rien de ce que nous disons depuis le début n'a été précédé d'une quelconque mise au point. Je vais vous poser telle question, vous allez me répondre comme ça. Non, pas du tout, on y va un petit peu. Et je vous en remercie d'ailleurs d'accepter la nature de l'exercice en freestyle, en bon français. Mais en lisant votre livre à plusieurs reprises, je me suis demandé, et je vous pose donc la question, qu'est-ce qu'un objet comme Wikipédia représente? Est-ce que, puisqu'au moins un avantage, c'est que tout le monde peut l'avoir plus ou moins présent à l'esprit, tout au moins ceux qui ont accès et l'utilisent, est-ce que ça serait une sorte de modèle application méthode Dewey ou au modèle Lippmann? D'une certaine manière, l'expertise s'est vue effacée au profit d'une implication citoyenne, c'est peut-être pas le mot le mieux adapté, mais pour avoir rencontré un certain nombre de gens faisant du Wikipédia, toutes ces pratiques, c'est vous et moi. Toutes ces pratiques de contribution, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, toutes ces pratiques de contribution, bien sûr. Après, ça pose plein de questions, puisqu'il n'y a plus de police du champ. Ce que Michel Foucault appelait la police du champ. Il n'y a plus de police du champ dans une connaissance comme ça contributive. Voilà, il n'y a plus cette police de l'académie qui va vous faire passer des examens et vous donner des habilitations. Je finis juste ma question en sachant que ce modèle, il a été fondé donc par un certain Jimmy Wales, libertarien. Non, mais tous ces phénomènes-là qu'on a sur Internet comme Wikipédia et autres sont extrêmement intéressants puisque c'est le type même du phénomène hybride dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans cet objet, vous avez à la fois, celui-là ou un autre, vous avez à la fois des choses qui relèvent d'un capitalisme de prédation, du libertarianisme, un usage néolibéral préconisé par la e-santé, voilà, tous ces tournants numériques, etc., le néolibéralisme surinvesti, c'est tout à fait logique, le tournant numérique, la e-santé et tout ce qui recommence par un i. Évidemment, vous avez aussi des potentialités pour les publics de s'identifier et de se mobiliser, donc des choses qui relèvent du nouveau libéralisme de Dewey, qui est par ailleurs, n'hésite pas à se dire, aussi un nouveau socialisme, puisque Dewey essaie de penser un nouveau libéralisme qui soit fidèle au véritable libéralisme des origines, enfin à ce qu'il y avait d'émancipateur dans le libéralisme des origines. Celui du 18e. Voilà, celui du 18e, qui était fondamentalement pour lui, ce qu'il y avait d'émancipateur, c'était l'idée de penser la vie comme capacité de déviation. Avec l'idée que chaque nouveau-né de l'espèce humaine porte en lui une capacité de déviation, de nouveauté, ce qu'il appelle l'impulse, et que les groupes humains doivent à la fois permettre, et c'est le tragique de l'éducation, permettre à l'enfant de déployer son impulse, c'est-à-dire de faire dévier le système en place, le système de la maison, la manière dont on mange à table, la manière dont tous les gens qui élèvent des enfants connaissent le problème de l'impulse, et en même temps apprendre à ce groupe à incorporer cet impulse dans des pratiques ritualisées, quotidiennes, stabilisées, partageables, etc. Donc, pour Dewey, le libéralisme, c'est au départ ça. Et ça, il y a eu ce qu'il appelle un retournement funeste du libéralisme, où en fait, ce qui s'est mis en place, c'est un statu quo, ce qu'il appelle un statu quo, c'est-à-dire qu'en fait, un mode d'organisation économique et sociale a pris le dessus, a été complètement sacralisé, et l'exemple parfait, c'est Lippmann, hein, qui dit tout ça de manière absolument explicite, et c'est la grande société mondialisée lippmannienne, et donc finalement, on manque complètement le sens de l'évolution, qui est complètement ouvert, buissonnant, pluriel, et là, on a une espèce de carcan, ce que Dewey appelle un carcan, qui est le capitalisme mondialisé. Donc Dewey entend penser un nouveau libéralisme qui implique pour lui un nouveau socialisme qui s'attaque à la question du partage des moyens de production, de la réappropriation des moyens de production, mais qui va beaucoup plus loin puisqu'il dit, ce qui d'ailleurs consonne avec un certain marxisme contemporain, que les moyens de production, c'est aussi les moyens de connaissance, qui deviennent absolument fondamentaux. Donc, la question de la réappropriation, à la fois, dans le sens dueyen, libéral et socialiste, des moyens de connaissance, c'est la question qui est au cœur des nouvelles technologies et de ces nouveaux dispositifs dont vous parlez. Et tout le monde qui connaît bien ces questions sait très bien que dans chacun de ces objets s'hybrident des rapports de force entre libertariens, entre les sociodémocrates qui essaient de donner un sens à ça, le néolibéralisme qui essaie de s'emparer de ses outils, le capitalisme dérégulé et prédateur qui évidemment, si je puis employer cette expression un peu vulgaire, se gave avec ses innovations technologiques, et puis les publics qui essaient de leur donner un sens. Voilà. Donc ce sont des phénomènes par excellence ambivalents et hybrides. John Dewey, ce n'est pas mentionné dans votre ouvrage parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est une question qui me vient parce que depuis longtemps je suis à la recherche de quelqu'un que j'ai entendu une fois dans ma vie à la radio évoquer la question de la naissance à la fin du 19e siècle du phénomène des nationalismes dans un certain nombre de pays, contemporain de la naissance du télégraphe, de la naissance de la transformation de la vitesse des transports, et faisant en quelque sorte catapulter ces deux phénomènes en disant cette accélération du temps, cette accélération de la vitesse, cette accélération de la distance à parcourir entre l'émetteur d'un message et son récepteur, c'est aussi quelque chose qui a créé de formidables peurs, de formidables désirs de retour à l'immédiat. Il parle du nationalisme. Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est que Nietzsche a véritablement pensé ce genre de choses. Alors vraiment, c'est-à-dire qu'il a montré que ce qu'il appelle l'apparition du flux absolu, à la faveur de cette accélération des rythmes, de tout ce que vous venez de décrire, donc lui met dans la même ligne le télégraphe, le chemin de fer, la presse de masse, etc. Cette accélération-là produit un effet d'effroi et produit ce qu'il appelle du ressentiment. Et ce ressentiment conduit à ce qu'il a parfaitement décrit, Nietzsche, hein, ces phénomènes délétères que sont le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, qu'il a sans cesse décrit comme des phénomènes profondément pathologiques. Et tout l'enjeu de la philosophie de Nietzsche, c'est de convertir cet effroi pour le flux absolu en amour du flux absolu. Dewey s'attaque-t-il à cette question-là? Parce que lui, il entend penser la société, donc ces courants nationalistes, ce repli d'effroi, lui sont contemporains? Oui, bien sûr qu'il est, il entend tout ça, bien entendu. Qu'en dit-il? Il en parle? Il écrit? Je dirais que ce sur quoi il a beaucoup travaillé, c'est sur, plus que sur ces phénomènes-là, c'est sur les phénomènes de domination. Il a essayé de faire une généalogie, en même temps qu'il essayait de comprendre ce qu'était la démocratie, ce qu'elle devait être, ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle devait être, parce que c'est une pensée clairement normative. Hein. Alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour lui, on ne peut pas penser sans évaluer, hein. Ce en quoi, je crois, il a profondément raison. Chez Dewey, on a une pensée clairement évaluatrice, normative, et il a une vision normative de la manière dont les choses doivent se passer. Je vois difficilement comment en philosophie politique, on peut faire autrement. Bon. Mais je referme cette parenthèse. Il essaie de décrire d'un côté la manière dont émerge un public, ce que c'est une démocratie, etc. On l'a dit. Mais de l'autre côté, il essaie de comprendre comment se mettent en place des phénomènes de domination. Quelle est la généalogie de ces phénomènes de domination dont les nationalismes, etc. sont des avatars en réalité. Et c'est plus là-dessus qu'il a porté son effort, et c'est pourquoi il a fait toute une généalogie de la pensée occidentale, de la philosophie elle-même, de la métaphysique, en montrant qu'il y avait eu toute une mise en place d'une hiérarchie absolument indue entre les tâches supérieures, celles de l'esprit, celles d'une intellectualité débarrassée du corps, et puis les basses tâches matérielles. Voilà, donc il explique comment cette hiérarchie est la base de la domination sociale. Il s'est plus concentré sur ce type de problématique en réalité que sur ces questions-là. Barbara Stiegler, on est obligé d'interrompre, malheureusement, ou d'arrêter là cet entretien auprès de vous. On rappelle le titre de votre ouvrage, non, vous allez le faire d'ailleurs, et puis également l'éditeur. Alors, il faut s'adapter, entre guillemets, chez Gallimard. Merci beaucoup de votre invitation. On vous remercie d'être venu au micro d'Histoire Vivante. On renvoie au documentaire qui aura lieu dimanche soir sur RTS2, consacré au Forum économique de Davos. Et puis, n'hésitez pas à aller chez votre libraire plutôt que de commander par internet. Vous avez bien compris qu'il faut du contact humain dans tout ça, après tout ça. Merci Barbara Stiegler. Merci à vous.